Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 26 octobre 2019 et qui s'intitulait « Le destin des enfants soldats ». Mon invité était Manon Pignot. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Les enfants sont plus dangereux que les hommes parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la mort. Et ils vont au-devant de la mort, ils tirent avec les Panzerfausts, ils tirent avec les armes qu'on leur a données, et ils vont au-devant de la mort. C'est pour ça qu'il faut les abattre avant de se laisser approcher par eux. Ils ne savent pas ce qu'est la mort. Ils ne la craignent pas, ils ne savent pas. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je veux de la poudre et des balles. Ce cri fameux que porte un poème des Orientales de Victor Hugo, ce cri de l'enfant grec aux yeux bleus, dressé en 1822 dans la lutte pour l'indépendance de son pays contre les Turcs, ce cri conduit tout droit au sujet que nous allons aborder ce matin. Nous allons parler des enfants soldats, des adolescents qui se sont trouvés jetés dans les guerres des adultes. Quand on les évoque aujourd'hui, on pense d'abord aux conflits africains, d'où affluent à cet égard de sinistres images. Mais du côté des FARC de Colombie, ou encore du Proche-Orient, de la Syrie dévastée, des cas similaires n'ont hélas pas manqué ces dernières années. Au surplus, la problématique peut s'élargir bien au-delà de ces champs de bataille spécifiques. Les livres que Manon Pignot, mon invité, a rédigés ou organisés, éclairent cette question d'une manière tout à fait originale. Maîtresse de conférences à l'université de Picardie Jules Verne, elle travaille depuis une quinzaine d'années sur les expériences enfantines et juvéniles de la guerre. Dans son dernier ouvrage, elle a concentré son regard sur le cas des adolescents au combat dans le cours de la Grande Guerre entre 1914 et 1918. Mais sa curiosité, qui précède la nôtre, s'élargit à l'ensemble des deux derniers siècles. Elle pose des questions toujours actuelles auxquelles nous allons tâcher de répondre. Celles des ressorts qui ont jeté ces jeunes ardeurs dans une fournaise qui semblait de prime abord devoir leur demeurer étrangère. Celles du consentement des adultes à cet enrôlement ou même de leur peser dans ce sens. Celle de la façon dont des destins individuels ont été modelés par une expérience aussi violente. Celle enfin des enseignements qu'il est loisible d'en tirer sur les extrêmes de la guerre totale au cœur de la civilisation, on hésite devant ce mot, au cœur le plus sanglant de notre civilisation contemporaine. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré, le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin. Je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, pas de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur tristesse. Un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà un monde parfumé, plein d'oiseaux bleus, plein de rires, soudain griffé d'un coup de feu. Un monde neuf où, sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau, en calculant le profit de cette guerre qu'ils ont voulue, à tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus. À tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue. Manon Pignot, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé la lecture d'un poème de Boris Vian à tous les enfants, un poème de 1954, lu magnifiquement par Jean-Louis Trintignant. Vous connaissiez ce texte ? Non, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert grâce à vous. Et je vous en remercie. Il paraît pouvoir, je pense que vous ne me contredirez pas, d'entrée de jeu, introduire assez bien la problématique qui est la nôtre et la spécificité de ce sujet, avec quelque chose autour qui me paraît être parfois une gêne. Oui, absolument. Je trouve que ce poème de Boris Vian, il nous est utile à deux égards. Le premier, c'est d'abord qu'effectivement, il traduit la brutalité de ces jeunes, voire très jeunes gens jetés dans la guerre, avec voilà les mots que Boris Vian utilise pour traduire la terreur face au baptême du feu, par exemple. On aura l'occasion d'y revenir sans doute. Donc ça, d'abord, c'est très juste. Mais le poème, vous me l'avez dit, date de 1954 et il illustre également une forme d'incompréhension de cette époque, c'est-à-dire d'après la Seconde Guerre mondiale, vis-à-vis de l'engagement, par exemple, pendant la Première. Et le poème de Boris Vian nous fait mesurer aussi l'évolution du regard qu'une société va porter sur l'engagement des jeunes et des très jeunes depuis le XIXe siècle. Finalement, la nouveauté, ça n'est pas tellement que des jeunes s'engagent, légalement ou illégalement. La nouveauté, c'est qu'une société perçoive à un moment donné cet engagement comme légitime ou illégitime. Nous sommes 65 ans après ce texte de Boris Vian. Beaucoup de choses ont changé. Je ne parle pas seulement de l'historiographie que vous représentez si bien, mais même la conscience internationale de ces questions. Oui, le droit international a considérablement évolué depuis les années 50. On va célébré dans quelques jours, en début novembre, les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France était d'ailleurs l'un des premiers signataires. Et la législation internationale a fixé maintenant, depuis en gros les années 1970, une barrière autour de 18 ans qui a pour fonction de protéger les jeunes engagés volontairement ou involontairement, dans les conflits guerriers. Donc, au regard de la législation internationale aujourd'hui, quand on a moins de 18 ans, on est considéré comme un enfant. Mais on nous dit en même temps que 30 ans après ce texte, 400 millions d'enfants seraient confrontés d'une façon ou une autre à la guerre. Alors, confronter, effectivement, ça ne signifie pas participer. Les chiffres de l'UNICEF concernant les enfants soldats tournent autour de 250 000 à 300 000 enfants qui sont directement impliqués dans un processus combattant, ce qui est absolument un chiffre absolument considérable, évidemment. Et toute la question, c'est de savoir si ces 250 000 à 300 000 enfants-soldats, puisque c'est le terme générique désormais utilisé par la législation internationale, par les ONG, si parmi ces enfants-soldats, est-ce que tous sont vraiment des enfants? C'est la question que je me pose. Et qu'est-ce qui distingue un enfant-soldat d'un adolescent combattant? Vous parlez d'ado-combattant. Cela pose une question d'âge, effectivement. Quelle est votre chronologie à cet égard? Ça pose une question d'âge, mais je ne pense pas qu'on puisse fixer de manière très rigide un âge d'entrée dans l'adolescence. Je pense que c'est tout à la fois une question d'âge et une question aussi de démarche. Le terme enfant-soldat est un mot un peu valise qui a une fonction essentielle, qui est de protéger au regard des lois les mineurs engagés dans les conflits. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous êtes considéré comme mineur, vous avez plus de chances d'échapper à la peine de mort dans les temps d'après-guerre, de sortie de guerre, par exemple. Donc, ce concept, ce terme légal d'enfant-soldat est un terme extrêmement important. Simplement, comme souvent les mots valises, il a tendance à écraser un peu la complexité de la réalité et donc à masquer des formes d'engagement volontaires et plus autonomes qui émanent non pas d'enfants, mais bien d'adolescents et d'adolescentes qui témoignent par là d'une forme de désir d'engagement pour une cause, par exemple, ou pour des principes. Nous allons regarder cela de plus près, mais auparavant, un dernier mot d'introduction. Il y a une difficulté spécifique du côté des sources, une difficulté que vous avez largement surmontée dans vos travaux, mais que vous mettez en avant d'emblée. Oui, effectivement, du point de vue des sources, la difficulté, en particulier pour les conflits plus anciens, tient au fait que les engagements adolescents sont des engagements largement illicites et que donc ces engagements reposent sur une dissimulation de l'identité des acteurs. Donc, dissimulant leurs identités, ils sont plus difficiles à trouver dans les archives. Si je reprends l'exemple que je connais le mieux, qui est l'exemple de la guerre de 14, effectivement, les adolescents qui s'engagent dans ce conflit vont mentir sur leur nom, vont mentir sur leur âge, et donc sont particulièrement difficiles à identifier ensuite dans les archives. Mais vous utilisez beaucoup la photographie. Voilà. Mais donc, il y a moyen, en se faisant un peu rapiéceur, rapiéceuse, d'aller chercher ailleurs des sources, et notamment, s'ils sont relativement invisibles dans les archives papier des différents corps d'armée, ils sont extraordinairement visibles sur les photographies. Alors, chère rapiéceuse, nous allons revenir en arrière pour commencer vers les guerres du 19e siècle, puisque vous allez y chercher à juste titre, en ouvrage collectif que vous avez organisé, des précédents à la guerre de 14-18, qui voit vraiment émerger la notion d'enfant-soldat. Oui, l'ambition de cet ouvrage collectif, c'était de justement remonter, prendre le temps historique à rebours et remonter au-delà de ces fameuses guerres d'Afrique subsaharienne des années 1980 pour aller chercher plus loin dans la période contemporaine la trace de participation d'enfants et d'adolescents, disons plus généralement de mineurs, à des conflits pour montrer que d'une part, ça n'est ni le XXe siècle, ni l'Afrique qui ont, entre guillemets, inventé les enfants soldats. Il y a eu l'Amérique latine, les batailles du Rio de Plata. Absolument. En Amérique latine, en Amérique du Nord, pendant la guerre de sécession, vous le disiez. En Europe, et notamment, il y a un excellent article de Quentin de Luermoz sur la Commune de Paris et sur la participation des enfants à la Commune de Paris. Donc, on a plusieurs cas de figure comme ça qui explicitent le fait qu'il y a des engagements juvéniles bien avant les guerres du second XXe siècle. Mais il faut quand même peut-être tout de suite préciser que dans chacun de ces cas, l'existence de ces formes d'engagement répond à des conditions sociales, économiques, politiques, c'est-à-dire, bref, pour le dire vite, ce sont des constructions historiques qui ont chacune, évidemment, leur spécificité. Je ne dis pas du tout qu'on peut dresser une espèce de portrait universel de l'enfant-soldat. Je pense qu'au contraire, c'est une figure éminemment historique qui, donc, à chaque fois, nécessite de rappeler le contexte historique, économique, social, politique dans lequel il apparaît. Différence, nous sommes habitués à cela, et en même temps, similitude. Exactement. Revenons un bref instant à cette guerre d'indépendance des Grecs contre les Turcs déjà. Et je voudrais vous faire entendre l'entièreté du poème de Victor Hugo, L'Enfant, que je citais en commençant. Il est ici lu par René Alexandre, sociétaire de la Comédie Française, en 1932. Les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil. Kyo, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kyo, qu'ombrageaient les charmilles. Kyo, qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais. Et le soir, quelquefois, un cœur dansant de jeune fille. Tout est désert. Mais non, seul près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui, une blanche aubépine, une fleur, comme lui dans le grand ravage oublié. Que veux-tu, bel enfant, Que faut-il te donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent épars autour de ton beau front comme les feuilles sur le saule? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu, fleur, beau fruit ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Tonalité d'époque, Manon Pignot. Oui, mais qui met bien en valeur le texte magnifique de Victor Hugo. Hommage donc à René Alexandre. Vous en tirez quel enseignement pour la place des enfants combattants à l'époque romantique? Dans la vision romantique, c'est évidemment d'abord une place éminemment symbolique. C'est que ce jeune enfant grec, dans la guerre d'indépendance grecque des années 1820-1830, il incarne à la fois la jeunesse de la lutte, de cette lutte patriotique pour l'indépendance, et puis aussi l'avenir. C'est ça la figure de l'enfant dans le discours romantique, c'est vraiment l'espoir. Et donc même sous le joug turc, même dans le massacre, puisque c'est bien des massacres de Kiev dont il s'agit ici, il y a cet espoir que la Grèce éternelle survivra et renaîtra à travers cette figure de l'enfant. Mais ça nous renseigne aussi plus généralement sur la place que les enfants occupent de manière très concrète sur les différentes scènes à la fois révolutionnaires ou guerrières, qu'il s'agisse de guerre extérieure ou de guerre civile, tout au long du XIXe siècle. On pense évidemment toujours, Victor Hugo, au Gavroche des Misérables. Absolument, le Gavroche des Misérables qui donc se passe en 1832, hein, donc pendant des émeutes au début de la monarchie de Juillet, mais qui est devenu un archétype du gamin de Paris et dont on a l'impression que il est présent, ce Gavroche, en 1848, en 1871 pendant la Commune, il est présent partout. Mais c'est vrai que ce poème de Victor Hugo résonne, je trouve, particulièrement fort aujourd'hui. Je dirais même à l'heure où nous parlons, dans la mesure où il me fait immanquablement penser à cette jeunesse kurde qui a pris les armes depuis plusieurs années contre Daesh. Toujours les Turcs. Et qui aujourd'hui, voilà, est en but à la répression turque sur les frontières entre la Turquie et le Kurdistan. Et il faut bien le dire, dans une indifférence, disons, politique des États, et notamment des États européens, assez confondante. Surtout de Monsieur Trump. Surtout de Monsieur Trump. Mais est-ce qu'on attend beaucoup de choses de Monsieur Trump? Je ne sais pas. En revanche, de nos États et de l'Union européenne, peut-être un peu plus. Transition artificielle, la guerre de sécession. La guerre de sécession est sans doute l'un des conflits les plus documentés du XIXe siècle, s'agissant de la participation des enfants au combat. Notamment parce que le phénomène est très massif. Il y a des estimations, alors qui valent évidemment ce qu'elles valent, compte tenu de la distance qui nous sépare maintenant de l'événement et des archives disponibles, mais les estimations tournent autour de plusieurs dizaines de milliers, peut-être même 100 000 très jeunes gens. C'est d'autant plus important que c'est vraiment la première guerre industrielle de la modernité. Absolument. Et ce qui caractérise aussi la guerre de sécession, c'est qu'on les trouve dans les deux camps. Tout autant dans les armées du Nord que dans les armées du Sud. On a parlé parfois de la boys war, la guerre des garçons, des enfants. Absolument, parce que, alors d'une part, parce que à jeune pays, jeune armée, donc de toute façon les combattants de la guerre de sécession étaient très jeunes, hein, avec une moyenne d'âge entre 20 et 25 ans. D'une part, mais en plus parce que c'est cette guerre qui a elle-même des traits éminemment juvéniles et effectivement 100 000 enfants, ou plutôt 100 000 garçons d'ailleurs, parce qu'il y a finalement très peu de filles dans ces jeunes combattants de la guerre de sécession, pour 3 millions de combattants au total. Donc c'est évidemment une minorité, mais une minorité qui pèse et qui va peser longuement dans les représentations d'après-guerre. Cette idée de la participation de la jeunesse comme un gage apporté à la cause défendue. Et je pense que là, on est vraiment, avec la guerre de sécession, confronté à cette question que nous évoquions en introduction de la légitimité ou de l'illégitimité de la participation des jeunes au combat. Et aussi de la diversité des motivations qui les y poussent. Oui, parmi les motivations, il y a des motivations strictement matérielles, je dirais, et économiques. L'état de guerre va plonger un certain nombre de familles dans la misère. Donc, le départ des pères privant la famille d'un certain nombre de ressources, et souvent, c'est la solde qui va constituer un complément de revenus pour la famille. Mais il y a aussi, et il faut bien accepter, aujourd'hui, en 2019, d'en tenir compte, même si ça nous paraît difficilement pensable, il y a aussi des motivations idéologiques. Il y a aussi des motivations, la volonté soit de suivre un père ou un grand frère avec des formes d'engagement familiaux qui sont héritées, là pour le coup, directement du XVIIIe siècle. On les a déjà vues pendant la Révolution française, par exemple, des formes d'engagement de tout un groupe familial, le père, les fils aînés, les fils cadets. Mais aussi, parmi ces jeunes recrues, et notamment les jeunes recrues des armées du Nord, cette volonté de prendre sa part de l'engagement, avec toute la dimension aventureuse et même un peu excitante, il faut bien le dire. Aventure trépidante. Exactement. Et c'est pour cela que je tiens, même si le mot n'est pas très heureux, à cette expression d'adolescent combattant ou d'adon combattant, parce qu'il me semble que cette recherche de l'aventure, cette quête de l'ailleurs et de la nouveauté et du risque... Et de la virilité aussi. Absolument. Sont propres à ce moment de la transition pubertaire, de la transition adolescente. Il y a un personnage qui est devenu emblématique, c'est Johnny Clem, 10 ans. Oui, alors Johnny Clem, il incarne tous les boys de cette guerre, parce qu'on a sa photographie et qu'il est identifié sur les photographies. Et comme pour la guerre de 14 d'ailleurs, la guerre de sécession est assez bien documentée du point de vue iconographique, c'est très frappant. Et Johnny Clem a cette particularité d'être d'abord un tambour. Donc, dans une tradition, je dirais, assez ancienne de l'emploi des jeunes garçons dans les armées, simplement, il va passer du statut de tambour au statut de combattant. Il finit la guerre comme sergent, tout de même. Et ce qui est frappant, c'est, quand on regarde les photographies de cette époque, c'est le contraste entre le caractère extrêmement juvénile du visage et même de la posture. Il n'est pas très grand, son uniforme a l'air un peu trop grand pour lui, il a vraiment un visage presque poupin. Personne ne peut dire que les adultes autour de lui se sont trompés sur son âge. Non, bien sûr que non, ça n'est un secret pour personne. Et non seulement ça n'est un secret pour personne, mais c'est même revendiqué par les belligérants et en particulier par les officiers de l'armée du Nord. La jeunesse est avec nous, la jeunesse est à nos côtés. Alors de guerre en guerre, nous arrivons à la mondiale, guerre industrielle, c'est-à-dire la guerre de 14-18, sur laquelle vous êtes beaucoup arrêté, Manon Pignot, en vous préoccupant du destin des enfants soldats. Pour ouvrir ce moment de notre conversation, je vous propose l'interview d'un des personnages que vous avez pisté dans vos travaux. C'est Noël Vaché. Noël Vaché, que vous avez découvert, m'avez-vous dit, grâce à Antoine Pro qui vous l'a signalé. Absolument, je lui en serai éternellement redevable. Noël Vaché, qui a tenu un journal. C'est un de vos fils rouges, vraiment, dans vos travaux sur la guerre de 14-18. Eh bien, je vais vous l'offrir. Écoutons-le. Vous ignoriez, je crois, cette archive. Je le découvre ce matin. Il s'exprime à l'occasion du 50e anniversaire de Verdun. On est le 31 mai 1966. Il y a 50 ans, vous avez participé à la bataille de Verdun. Exact. Quel âge avez-vous, alors, à cette époque? À l'époque, j'avais 15 ans et demi. Pas tout à fait, même. Et comment se fait-il que vous étiez dans l'armée française? J'étais dans l'armée pour la bonne raison, c'est que j'avais suivi les Zouaves qui avaient débarqué à Sète en août 1915. J'ai participé avec eux à l'offensive de Champagne du 25 septembre. Et ensuite, nous avons été faire un tour à l'Isère et je suis revenu pour Verdun, qu'on est arrivé juste le 13 février, au repos à côté de Souilly. Et puis ensuite, nous sommes montés le 20. En renfort de la 72e division. Et la bataille a commencé là. Et vous étiez très jeune, vous étiez donc en situation irrégulière. J'étais en situation irrégulière tout en étant régulière, puisque mon engagement a été fait par des faux papiers, quoi. Des papiers, actes de naissance vieillis. Vous avez été un des plus jeunes combattants de Verdun. C'est exact. et un des plus jeunes blessés probablement. Parce que vous avez été aussi blessé à Verdun. J'ai été blessé deux fois à Verdun. À Fleury d'abord et à la Côte 344 ensuite. Et à 14 ans, qu'est-ce que cela vous a fait, cette terrible bataille? La première fois que j'ai reçu le baptême du feu, c'est à la butte de Soing, en Champagne, le 25 septembre 15, la grosse attaque qu'on avait fait là-bas. Ça m'a laissé une impression de beaucoup de bruit. Vous ne vous êtes pas rendu compte que... et même pas peur, non. Mon âge m'empêchait de me rendre compte du danger. J'ai vu pas mal de cadavres, évidemment, puisque c'était la grosse bagarre. Il en est resté des mille et des mille. Mais cette fois-là, je n'ai pas eu peur. Et vos chefs, que pensaient-ils de vous? Ils m'ont pris toujours pour un phénomène. Du reste, on m'appelait le phénomène de la compagnie. Puis après, ça a été même jusqu'à la division. Mais la peur ne m'a pris qu'à Verdun. Oui, vous avez eu peur quand même... Ah, Verdun, j'ai eu peur, et puis énormément peur, j'en étais même malade. Ça, c'était exceptionnel, quoi. Jamais on avait vu ça, et puis même les vieux durs de chez nous, puisque j'étais au 2e régiment de masse de Zouave, c'était tous des gars qui avaient fait 7-8 ans de Maroc, et ils étaient comme moi. Tout le monde a eu peur, même les officiers. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Vous le retrouvez là, Manon Pignot, votre Noël Vacher? Ben oui, je suis très émue en fait d'entendre sa voix, parce que j'ignorais l'existence de cet enregistrement, tout simplement. Et vous voyez qu'il faut venir à mon émission? Ben absolument. Non, mais vraiment, ce Noël Vacher, il est à la fois incroyable et extrêmement représentatif de ces adolescents combattants que j'ai essayé d'étudier, dans la mesure où il s'engage en 1915, il le raconte d'ailleurs dans ce témoignage oral, c'est un berger. C'est un jeune garçon berger des environs de Montpellier et il est frappé en 1914 par une série de deuils dans sa famille qui ne sont pas liés à la guerre mais qui vont se suivre de manière assez rapprochée et qui vont le plonger dans une profonde affliction. D'une part, ensuite la guerre éclate, il est séparé de sa famille parce qu'il est déjà placé dans une ferme assez loin de chez lui, comme c'était le cas à l'époque, hein, comme garçon berger. Et par désœuvrement, un jour, après les funérailles de sa mère, qu'il aimait beaucoup visiblement, il décide de ne pas rejoindre le mas où il est censé être berger, et il part à Montpellier. Et il va errer un peu comme ça, désœuvré dans les rues de Montpellier, et puis ses pas le conduisent à la gare, et en gare de Montpellier, il croise le train du 2e régiment de marche de Zouave, qu'il évoque dans son témoignage. Et un peu par plaisanterie, les Zouaves lui disent « bah monte avec nous !» Et il monte. Et puis après, les Zouaves lui disent « Mais tu as l'air d'aimer le singe, c'est-à-dire les boîtes de cornets de bif, tu as l'air d'aimer l'aventure, bah reste avec nous encore un peu. » Et il les prend au mot et il reste. Il est d'abord enrôlé en marge du régiment, et puis finalement il prend un engagement en falsifiant, c'est ce qu'il raconte dans le témoignage, ses papiers d'identité, ses actes de naissance. Et c'est comme ça qu'il se retrouve engagé pour toute la durée de la guerre et qu'il va effectivement passer par la Champagne, par l'Artois et notamment par Verdun. Et puis il ne le dit pas ensuite, mais après Verdun, il ira également au Chemin des Dames. Il y a donc là une part de hasard. Mais plus souvent, ailleurs, vous repérez une sorte d'exaltation liée au moment patriotique du début, quand on ignore chez eux ce que la guerre va impliquer de barbarie et d'horreur. On ne peut pas se départir du goût de citer De Gaulle, qui écrit dans ses mémoires cette phrase célèbre « Je dois dire que ma prime jeunesse envisageait sans horreur et magnifiait à l'avance cette aventure inconnue ». Oui, je crois qu'il y a... En tout cas en France, dans la culture scolaire française telle qu'elle est enseignée aux enfants, une exaltation patriotique qui, dans une certaine mesure, a laissé des traces, et des traces qui se trouvent réactivées par le climat de l'entrée en guerre et par cette atmosphère que quasiment toutes les sources traduisent par le même terme, qu'il s'agisse du français, de l'allemand, de l'anglais ou du russe, c'est le terme d'excitation. Ce climat d'excitation qui saisit une partie de la jeunesse au moment de l'entrée en guerre. Et dans le cas de Noël Vaché, c'est un concours de circonstances qui le fait rencontrer ce train et ce régiment de Zouaves. Mais pour la plupart des engagements que j'étudie, des engagements juvéniles, ce sont des concours de circonstances. Mais dans un contexte particulier d'enthousiasme, ou en tout cas, je crois vraiment, j'y reviens, d'excitation. Et cette excitation, elle est liée bien sûr à la dimension politique du conflit, à sa dimension patriotique, mais elle est liée, je crois, peut-être même plus encore, à sa dimension aventureuse. C'est l'inconnu. C'est pas seulement la guerre qui éclate, c'est une porte qui s'ouvre vers un ailleurs totalement fantasmé et inédit. Cette aventure inconnue, c'est la formule même de De Gaulle au début de ses mémoires de guerre. Cette aventure inconnue. Il y a aussi en fond de tableau le patriotisme enseigné à l'école, par l'histoire de France, le petit Lavis. Il faut défendre la France, cette France que son histoire a faite grande et que la nature a faite belle. Oui, oui, c'est évident hein, que le contexte, je dirais, l'influence culturelle de la scolarisation républicaine a pu jouer. Sauf que ça ne peut pas être une cause unique dans la mesure où on retrouve des cas d'engagement dans tous les pays belligérants. Or, tous les pays belligérants n'ont pas soumis leur jeunesse à une culture scolaire patriotique de même nature que celle qui est enseignée en France. Donc, il faut bien chercher des causes spécifiques à chacun des pays étudiés, mais aussi des causes communes. Oui, car vous faites des comparaisons qui sont éclairantes. Un des personnages que vous suivez, qui est mort au front, Jean-Corentin Carré, écrit dans une lettre à son instituteur en mars 17, peu avant d'être tué, sur les bancs où j'ai usé pas mal de fonds de culottes, j'ai appris la chose principale à observer dans cette vie, le devoir. C'est là que j'ai appris que la patrie représentait non seulement la terre où je suis né, mais qu'elle représentait encore les traditions et l'honneur d'une race à faire respecter. Je ne suis pas engagé pour faire parler de moi. Je préfère rester inconnu. Je ne cherche ma satisfaction que dans le devoir accompli. Fin de citation. Oui, Jean-Corentin Carré, il a une place particulière dans le corpus que j'étudie. Et dans votre affection. Et dans mon affection sans doute, mais je ne vous cache pas que j'ai une petite préférence pour Noël Vaché malgré tout, qui est un véritable inconnu si j'ose dire. Car Jean-Corentin Carré, il est l'un des rares adolescents combattants à être connu de son vivant et à acquérir une petite notoriété, je dirais, y compris par voie de presse, pendant la guerre. Et ce qui fait la notoriété de Jean-Corentin Carré, c'est effectivement sa très grande jeunesse. Comme Noël Vaché, il va s'engager à l'âge de 15 ans sous une fausse identité et en se faisant passer pour un réfugié des régions envahies pour ne pas avoir à présenter d'acte de naissance en disant qu'il a tout perdu dans l'invasion, alors qu'en réalité, il est breton, originaire du Faouët, dans le Morbihan. Et puis surtout, il s'engage d'abord dans l'infanterie. Et puis ensuite, une fois sa véritable identité découverte, au moment où il atteint l'âge légal de 17 ans, il demande à réintégrer l'armée sous sa véritable identité. Et c'est pour cela que son histoire est connue. Et ensuite, quand il écrit cette lettre à son instituteur, peu de temps après, il va rejoindre à sa demande l'aviation. Et c'est au cours d'un combat aérien qu'il va mourir en 1918. Il y a toujours une ambivalence dans l'attitude des adultes, des officiers, à la fois une gêne à l'idée qu'on a pu, par hasard ou par un manque de discernement, ou peut-être avec conscience des choses, engager des enfants, et en même temps le sentiment que ça peut être éclairant et que ça peut nous fournir des héros. Je pense aussi, du côté des femmes, il faut parler aussi des filles, je pense au cas d'Émilienne Moreau. En épigraphe de votre livre, L'appel de la guerre, vous citez Victor Hugo, naturellement, l'enfant qui demande la poudre et des balles, mais aussi Émilienne Moreau. Il paraît que ma petite fille a lancé des pavés en mai, ça ce sont ses mémoires, en mai 68. La belle affaire, s'écrit-elle. Moi, à son âge, j'avais déjà tué 4 Prussiens. Oui, j'aime beaucoup cette citation d'Émilienne Moreau, qui est un personnage absolument merveilleux. Alors, pour être tout à fait exact, Émilienne Moreau ne s'engage pas dans l'armée. Il n'y a sur le front occidental aucun cas d'engagement licite ou illicite de jeunes filles sous uniforme. Les seuls cas d'engagement en tant que soldat de filles que j'ai pu identifier, c'est sur le front russe. Ce sont principalement des jeunes filles russes et puis aussi quelques jeunes filles polonaises ou serbes. Mais pour en revenir à Émilienne Moreau, elle prend malgré tout les armes, mais sans jamais quitter, je dirais, son genre et sa place, c'est-à-dire celle d'une jeune fille de la zone occupée, puisqu'elle habite aux environs de Lille. Et c'est en tant que combattante de la zone occupée qu'elle va prendre les armes pour soutenir l'armée anglaise et faire le coup de feu à deux reprises, comme elle le dit dans ses mémoires, sur des soldats allemands. Et je voudrais quand même préciser qu'Émilienne Moreau ensuite rejoint l'ordre normal des choses et le cours de sa vie, se marie, a des enfants. Elle a été une grande résistante. Qu'elle reste une militante socialiste importante et active dans l'entre-deux-guerres et surtout qu'elle rejoint la résistance très tôt, dès la fin de l'année 1940 ou début de l'année 41, et qu'elle va même rejoindre De Gaulle à Londres. Et elle, c'est l'une des rares femmes qui a été élevée au rang de compagnon de la libération. On éprouve l'impression qu'il y a dans la mise en lumière par les journaux, l'illustration, etc., de ces enfants soldats, de ces ados combattants, quelque chose comme une symétrique inversée de l'embusqué. Exactement. L'adolescent combattant, c'est le symétrique inversé de l'embusqué, puisque, pour rappeler rapidement ce qu'est l'embusqué, c'est l'homme, le jeune homme, qui devrait partir combattre et qui, par un certain nombre de subterfuges, se soustrait à ses obligations militaires. Se faisant réformer alors qu'il n'en a pas besoin, etc. Le Sénat a d'ailleurs fait une chasse aux embusqués à partir de 1916. Oui, et puis on voit bien dans la presse, dans les cartes postales, les figures. Il y a un excellent livre de Charles Ridel sur les embusqués pendant la Grande Guerre. Et l'adolescent combattant, c'est l'exact symétrique inversé dans la mesure où lui gagne le front alors que personne ne le lui demande. Et c'est ça, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'attitude ambivalente de certains officiers, c'est pour cela que je pense que la Grande Guerre est, du point de vue de l'engagement juvénile, une guerre de transition, un moment de transition. Les appareils policiers, judiciaires, étatiques, qui ont été mis en place au cours de la Belle Époque, empêchent désormais l'engagement légal des adolescents. Et donc ceux qui sont interceptés à l'arrière sont renvoyés dans leur foyer, moyennant un petit passage devant le commissaire de police. Mais pour ceux qui parviennent à passer entre les mailles du filet et à gagner le front, ceux-là sont d'une certaine manière, et on le voit bien dans les sources, accueillis par les officiers ou par les hommes plus âgés, qui leur reconnaissent une certaine forme de légitimité. Et donc c'est pour ça que je pense que la guerre de 14 est un moment de transition, c'est parce que c'est un moment de transition dans ce débat entre légitimité et illégitimité des adolescents combattants. À l'arrière, tout le monde sait qu'il y a des départs. Je veux dire, il y a des articles dans la presse, il y a des articles dans Le Matin, il y a des articles dans Le Figaro, il y a des articles dans L'Humanité. Donc ça, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'il y a des départs. La plupart des temps, ce sont des départs avortés ou interceptés. Et au front, les quelques adolescents qui parviennent à accéder aux zones de combat sont finalement recueillis et protégés comme des sortes de mascottes. Vous montrez bien d'autre part qu'il y a parfois des réactions de vengeance après la mort du père, après les deuils qui ont frappé. Et cela est quelque chose comme l'esquisse de ce que l'on voit désormais dans notre monde contemporain, dans beaucoup d'endroits. Vous allez me dire, après avoir écouté cette archive, si vous êtes frappé par les ressemblances ou par les différences. C'est une interview de Lucien Badjoko, qui a été enfant soldat au Congo, une interview sur France Inter, le 21 novembre 2007. Je me suis fait enrôler, bon, naïvement, à l'époque, j'avais à peu près 12 ans et demi. Je pensais que j'étais plus grand, que je pouvais tout faire. C'était nous qui combattaient, c'était nous qui ont fait partir Mobutu du pouvoir. Par rapport à ce qui s'est passé justement dans cette fin des années 90, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il est plus difficile de recruter des enfants soldats en République démocratique du Congo ? Non, il n'est pas difficile. C'est révoltant de voir ses parents, ses frères, ses cousins se faire tuer, se faire maltraiter par un groupe armé. Or, vous aussi, vous avez la force de prendre une arme et aller les défendre. Donc, Nous avons passé par là. Je pense que tant qu'il y aura la guerre, nos jeunes frères aussi passeront par là. Parce qu'ils voudront tous les jours défendre leur ville, leur village, ou leurs parents, ou se venger contre l'un des groupes. Et ils prendront les armes. En fait, la majorité de combattants sont de jeunes. des mots de Vuitton. Mais dans le Kivu, il y en a plein d'enfants qui participent pleinement sur le champ de bataille. Toujours, aujourd'hui. Aujourd'hui. Avec des M16, avec des Kalachnikov. Kalachnikov, M16, Mag, Bordatif, tout, ils utilisent tout. Vous savez, c'est l'horreur qui ne me quittera jamais. Je vis avec ça, c'est ma vie. Et je dois l'accepter pour vivre. Il faudrait juger d'abord les chefs d'État, les chefs de rébellion. C'est les adultes que moi j'accuse. Alors, Manon Pignot ? Mais effectivement, dans ce témoignage de Lucien Badjoko, qui a été enfant soldat, pour reprendre la terminologie internationale, mais moi je préférerais dire effectivement adolescent combattant en RDC, en République démocratique du Congo, il y a des spécificités du moment, bien sûr, mais aussi un certain nombre de liens, je trouve, avec les engagements que moi j'ai pu étudier pour la Grande Guerre. Et peut-être que le premier point commun, la première passerelle concordante, pour reprendre le titre de votre émission, c'est cette idée de prendre sa part. Cette idée que décrit Lucien Badjoko ici, de prendre sa part de l'événement, et de l'événement politique, il dit, c'est nous qui avons renversé Mobutu, ce qui n'est quand même pas rien. Et cette idée vraiment de capacité d'action, de volonté d'affirmer chez les adolescents une part d'autonomie. Mais il le dit aussi que cet engagement n'est pas absolument neutre, qu'il est évidemment construit, qu'il est évidemment influencé, qu'il est dans une certaine mesure contraint. Il n'est pas contraint par la force, en tout cas dans le cas de Lucien Badjoko, mais il est contraint par un environnement culturel et politique. Pression psychologique forte. Exactement. Et puis, par ailleurs, et le témoignage de Lucien Badjoko le dit bien là aussi, ces engagements ne sont pas exempts de conséquences physiques, évidemment. Tout à l'heure, Noël Vacher le rappelait, il a été blessé 2 fois à Verdun, mais aussi de conséquences psychologiques. Et là, Lucien Badjoko le dit, hein, qu'il vivra avec toute sa vie. Et Noël Vacher l'évoque à demi-mot, de manière assez pudique, en 1966, sur la manière dont il a été choqué après Verdun, par la bataille de Verdun. Mais dans ses mémoires, on le voit, hein, il y a le récit de ce qu'on appellerait aujourd'hui des manifestations somatiques, du très grand stress éprouvé, notamment une forme de sommeil paradoxal. Hein. Il s'endort absolument n'importe où, Noël Vacher. Ses compagnons sont obligés de le porter pour le déplacer, parce qu'il se réfugie d'une certaine manière dans le sommeil. Et c'est évidemment le signe de la manifestation, en tout cas d'un stress important. Est-ce qu'on retrouve dans notre temps, dans notre contemporain, cette typologie que Stéphane Audouin-Rousseau, grand historien de la guerre de 14, a pu établir à propos de la fiction? Parce qu'entre fiction et réalité, il y a toujours des ponts qui sont intéressants à considérer. Il montre qu'il y a une typologie du rôle. Il y a l'enfant qui fait campagne avec son régiment, ça nous l'avons vu, mais il y a aussi l'enfant qui a sauvé plus grand que lui, l'enfant qui a refusé de renseigner l'ennemi. On arrive à Joseph Barra à l'époque de la guerre de Vendée. Il y a une rue Joseph Barra dans le 6e arrondissement. L'enfant qui a renseigné ses compatriotes, l'enfant qui a crié son patriotisme à la face de l'envahisseur, c'est aussi Joseph Barra, et qui l'a payé de sa vie. Tout cela, on le retrouve, ou bien est-ce que l'idée de contrainte désormais à l'époque de la Syrie, à l'époque de l'Afrique, à l'époque aussi des FARC de Colombie, est-ce que cette contrainte vous paraît l'emporter, ce qui est une chose neuve ? Du point de vue des représentations, puisque c'est de cela dont parle Stéphane Audouin-Rousseau, hein, cette typologie, elle renseigne la figure de l'enfant héros dans la littérature de jeunesse de la Grande Guerre. Et vous l'avez dit, il y a une filiation directe entre ces figures héroïques, ces figures enfantines héroïques de la Grande Guerre et les figures enfantines héroïques de la Révolution française, Joseph Barra bien sûr, Agricole Viala, et puis d'autres figures héroïques du 19e siècle que nous avons déjà évoquées. Mais ce qui est peut-être neuf, c'est que ces enfants victimes deviennent aussi des enfants bourreaux. Dans la littérature contemporaine aujourd'hui, la dimension victimaire est singulièrement mise en avant. Il y a énormément de récits, alors autobiographique, mais aussi de récits littéraires fabriqués autour de cette figure de l'enfant soldat. Des récits de fiction en littérature, beaucoup en livres pour la jeunesse directement, et un certain nombre aussi de figures cinématographiques. Et à ceux qui portent la mort à l'incitation des adultes, et ça c'est assez nouveau. Écoutons ce reportage sur les enfants soldats en Irak, qui ont été enrégimentés par le parti basse lors de la grande guerre, épouvantable guerre entre l'Iran et l'Irak au début des années 1980. Nous sommes là sur TF1 le 16 novembre 1980. Contre l'Iran, contre le régime raciste de Khomeini, chaque jour la propagande irakienne se déchaîne. Ainsi l'a voulu le maître de l'Irak, Saddam Hussein, qui dirige son pays d'une main de fer. Pour encadrer la population, pour la surveiller aussi, il y a la milice populaire. 250 000 personnes. Et parmi eux, beaucoup de garçons et de filles de 8 à 18 ans qu'on appelle avant-garde ou pionniers. Enrégimentés, endoctrinés, ils suivent leurs cours dans des écoles spéciales, apprennent par cœur la doctrine officielle, celle du parti basse, parti socialiste laïque, au pouvoir depuis 1963, et répètent que Saddam Hussein est le nouveau Nasser du monde arabe. Menons la lutte avec Saddam Hussein. Avec lui, nous triompherons des infidèles, de ceux qui ne croient pas. Même nous, les enfants, nous savons que la patrie ne veut pas d'eux. À l'ambiance patriotique de la Grande Guerre a succédé quelque chose comme un endoctrinement déterminé. Là, on prend les enfants et on leur infuse la volonté de se battre et finalement de tuer. Oui, je pense que c'est ce qui distingue le début du XXe siècle de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est que pendant la Grande Guerre, les enfants et les adolescents sont effectivement soumis à un discours de guerre de mobilisation, mais qu'à aucun moment on ne leur demande explicitement de prendre les armes et de partir. C'est le changement, je crois, s'effectue au cours des années 30 avec ce qui se passe dans les régimes totalitaires, avec l'idée d'un endoctrinement de la jeunesse délibérément conçu comme l'avenir guerrier de l'État neuf, de l'État nouveau. Et bien sûr, l'exemple le plus absolu dans ce cas-là, c'est l'Allemagne nazie. Oui, on a tous en mémoire, c'est symbolique, cette bande d'actualité où, avant de disparaître, Hitler passe en revue quelques enfants en uniforme. Issus de la jeunesse hitlérienne. Et tape la joue de l'un d'entre eux. Oui, c'est d'autant plus une image d'autant plus marquante que c'est la dernière image que nous ayons d'Hitler vivant, puisqu'il sort de son bunker pour son anniversaire le 20 avril 1945 et qu'il va passer en revue un certain nombre de jeunes cadets de la jeunesse hitlérienne qui sont en train de défendre Berlin contre l'arrivée imminente des troupes soviétiques et qu'effectivement il les décore et ensuite il leur tapote paternellement la joue avant de retourner dans son bunker et c'est la dernière image d'Hitler vivant. Et pour en revenir à ce reportage que nous venons d'écouter sur l'Irak en 1980, d'abord rappeler aux auditeurs que au même moment, de l'autre côté de la frontière, côté iranien, il y a aussi une mobilisation très active de la jeunesse par la révolution islamique. Et donc dans la guerre Iran-Irak, de part et d'autre, on a utilisé la jeunesse, les adolescents, et on les a utilisés sur le plan symbolique, avec beaucoup de films, notamment, qui utilisent cette image, cette métaphore de la jeunesse engagée pour justifier du conflit. Et on les a aussi poussés devant. Mais voilà, cette utilisation n'est pas seulement symbolique, elle est aussi très concrète. On le sait notamment pour les Basidji iraniens, hein, un certain nombre de ces garçons ont littéralement été utilisés comme des démineurs vivants qu'on envoyait devant et qui faisaient les frais des blessures les plus graves. Et d'ailleurs, ça n'est pas une archive classique pour les historiens, mais c'est très bien documenté dans l'excellente bande dessinée de Marjane Satrapi sur son enfance en Iran qui s'intitule Persepolis. Ouais. Pourquoi dites-vous cela? Les relations des historiens et de la bande dessinée sont excellentes. Sont excellentes au contraire aujourd'hui. Et s'améliorent d'année en année, ce dont je me réjouis. À la fois pour en tirer parti, pour y trouver des informations sur les sensibilités et pour en faire. Absolument. Alors maintenant, il faut en venir à notre immédiateté, à notre période contemporaine, c'est-à-dire à Daesh, où on a vu effectivement ces enfants soldats de plus en plus nombreux, en particulier du côté des minorités, les yézidis qui ont été contraints de prendre les armes et soumis à de terribles contraintes. Dernière archive, un reportage sur les enfants soldats utilisés par Daesh. C'est sur France 2 le 4 octobre 2017. Des milliers de garçons programmés pour tuer. Une génération d'assassins. Daesh a largement mis en scène ses enfants soldats. Alors que les djihadistes perdent du terrain, ces jeunes combattants sont de plus en plus nombreux à s'enfuir ou à être arrêtés. Enfants en danger ou enfants dangereux, victimes ou coupables, comment les prendre en charge à leur retour dans la société ? Au nord de l'Irak, nous rencontrons Shala. Il vient de passer 3 ans dans un camp d'entraînement de Daesh. Enrôlé de force, enlevé à ses parents yézidis, cette minorité religieuse persécutée par les djihadistes. Il avait 10 ans. Tous les jours, on nous apprenait à démonter et à remonter des kalachnikovs, des M60. On faisait des concours de rapidité, on apprenait à désarmer l'ennemi. On avait aussi des cours de Coran. J'ai été forcé de me convertir à l'islam. Ils étaient très violents, ils nous frappaient tous les jours. Shala a vécu la barbarie au quotidien. Mais quand il en parle, il semble occulter toute émotion, encore imprégnée de la froide mécanique de ses bourreaux. On nous emmenait assister aux punitions. Une fois, ils m'ont montré comment couper la main à un homme. Une autre fois, comment tirer une balle dans la tête. La troisième fois, c'était comment couper la jambe. Ils nous disaient que plus tard, c'est nous qui tuerions les infidèles. Tu y penses encore ? Au début, je faisais des cauchemars. Mais maintenant, ça va, j'y pense plus. On a peine peut-être, Manon Pignot, à trouver une vraie continuité entre vos enfants soldats de la Grande Guerre et ceux-ci. Non, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et pour plusieurs raisons. Ces enfants raptés par Daesh, ces enfants élevés dans un bourrage de crâne permanent, dans un endoctrinement ultra-violent, s'apparente davantage à l'endoctrinement qu'ont pu subir les enfants allemands, par exemple, sous le régime nazi. Et je pense que ce parallèle-là est plus justifié qu'un parallèle avec la Grande Guerre. Et naturellement, sur les enfants colombiens, sur lesquels on a des reportages terrifiants également, du côté des FARC. Oui, c'est-à-dire ces formes de brutalisation dans toutes les acceptions de ce terme, et notamment dans sa définition telle que les historiens de la guerre l'utilisent, c'est-à-dire non seulement brutaliser, mais aussi rendu brutaux, une sorte d'acclimatation à la violence dès le plus jeune âge. Et ces gamins, dont on a entendu la voix de l'un d'entre eux, sont d'ailleurs surnommés parfois les lionceaux du califat. Avec cette réserve que le petit garçon que nous avons entendu, très jeune, hein, vous l'avez vu, est un issu de la communauté yézidi. Donc il est doublement contraint au sens où ses parents ne sont pas des djihadistes, mais bien une minorité massacrée et torturée par Daesh. Et à ces jeunes enfants qui sont pleinement ce que la communauté internationale appelle des enfants soldats, j'opposerais les adolescents et les adolescentes des troupes de libération kurde, les YPG, qui, eux, ressemblent davantage, je dirais, aux adolescents que j'ai pu étudier pour la guerre de 14-18, au sens où ce sont des adolescents et non pas des enfants de 15, 16, 17 ans qui choisissent de combattre, et notamment chez les filles, dans des bataillons exclusivement féminins, qui ont choisi de combattre Daesh, les armes à la main, et notamment de combattre ce qui est pour elles tout simplement un visage moderne et contemporain du fascisme. Contre les Turcs comme l'enfant grec. Alors, contre Daesh d'abord, et puis depuis quelques semaines, sous le bombardement turc, effectivement. Alors un dernier mot, Manon Pignot, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le destin de ceux qui survivent. En quoi ont-ils été marqués? Il y a ceux de 14-18, et puis on peut essayer d'anticiper ce qui se passera pour ceux d'aujourd'hui. C'est assez difficile, vous vous en doutez. En tout cas, d'anticiper pour ceux d'aujourd'hui, c'est impossible. Ça n'est pas la tâche d'ailleurs des historiens. Et pour les adolescents de la Grande Guerre, c'est difficile aussi dans la mesure où justement l'engagement fonctionne comme une sorte de rite de passage. Or, ce qui caractérise un rite de passage, c'est d'ensuite réintégrer les jeunes recrues dans la communauté villageoise, locale ou nationale. Et donc, ces adolescents, je les appelle souvent des météores parce que ils surgissent soudainement dans les archives et ils en disparaissent aussi vite qu'ils y sont entrés. Donc, la plupart de ces adolescents combattants de la Grande Guerre ont réintégré la vie civile de façon, entre guillemets, normale et ont redisparu. Et puis certains, malgré tout, ont laissé des traces qui nous permettent de les suivre. Et ceux que l'on a le plus de facilité à suivre sont ceux qui ont choisi, après la guerre, une carrière militaire et qu'on retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on les retrouve dans tous les camps et pas seulement du côté des corps francs, du fascisme ou du nazisme, mais aussi dans les rangs de la résistance. Pas de détermination, vous ne nous surprenez pas. Pas de détermination et pas de prédictabilité de l'expérience de guerre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je cite vos ouvrages, Manon Pignot, celui tout récent qui a été primé par, d'une part, au Rendez-vous d'Histoire de Blois, le prix Augustin Thierry, et d'autre part par la Fondation Pierre Laffut. Voilà, toute couronnée de lauriers. Ce livre s'appelle « L'appel de la guerre, des adolescents au combat, 1914-1918 », publié chez la neuve et très valeureuse maison d'édition qui s'appelle « Anamosa » de Chloé Pathé. Ça vient de paraître. Vous aviez dirigé en 2012 un collectif qui s'appelait « L'enfant soldat », 19e-21e siècle, chez Armand Collin. Et puis, la même année, dans la collection « Univers historique », un livre qui s'appelait « Allons enfants de la patrie, génération grande guerre ». Au seuil, en quelle ressemblance et quelle distance par rapport à l'ouvrage que nous avons évoqué ? Eh bien, cet ouvrage, en 2012, parlait des expériences des enfants à l'arrière. Avec beaucoup de dessins. Avec beaucoup de dessins, et puis sur s'attacher davantage à la question de la vie quotidienne des enfants à l'arrière et de leur relation avec leur père combattant. Et d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est parce que le temps passe, mais je suis passée des enfants aux adolescents et je suis passée de l'arrière au front. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores variés que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission sur la page Concordance des temps. Un enfant avec un fusil trop grand. Un enfant marche lentement, à pas hésitant. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domiti de Gavrilov, Claire Poinsignon aussi, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Florent Bujon, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Depuis très longtemps, trop longtemps, trop longtemps. Vous venez d'entendre une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 26 octobre 2019 et qui s'intitulait « Le destin des enfants soldats » avec Manon Pignot. La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour de l'émission pour laquelle j'avais invité Denis Crouzet et qui s'appelait « Nostradamus, Nostradamus, surmonter les angoisses du monde » diffusée pour la première fois le 2 avril 2011. Et le montant du cristal de sang, quand vas-tu mourir ? Un enfant avec un fusil trop grand. Un enfant, mais apparemment c'est plus un enfant. Le tuer comme un grand, comme à la guerre, évidemment. Bientôt 10 ans, il y a des pays tranquilles et des jardins dans les villes et de l'argent. Petit, tu sais pas jouer aux billes, tu revends les balles en cuivre pour le moment.